nuit comme la lune, ramène Mani qu'on l'allume. Que des matérialistes, quand y'a pas un, y'a pas une. C'est la crise au mic, fais la bise au Mac. Vrai même quand je mythomane, ils tapent de 13, prennent pour bioman. De dur à victime, ici c'est Vigi. Des faces d'ovni on G-Steel, c'est le big deal. La dream team, mythique, mystique, G-Steel. En vitrine des vikings, envie de tir légitime. Et mec, en tamarage j'arrive comme un rat. Ok ma race, camarade, tu dans le milieu comme Booba Camara. Tu veux test, pas de cito, c'est pas test, pas cito. C'est Marseille, c'est Paris, c'est le best classico. Eh, hey, j'oublie pas d'où je viens, de la soupe comme Obélix. Tu m'as vu en bas de chez toi, dans le péril et le risque. Faut que tu saches que dans ma ville on est pas riche. C'est Salberg et je te parle pas d'une ville en Autriche. Un mini téléphone pour faire un max de blé. Il faudra un gros bain de sang pour faire une petite marche de paix. Ça t'encule pour une marche de paix, ils ont pas de talent, ils sont dopés. Ramène quelqu'un dopé, ils vont sauter. J'ai les vautours dans ma lunette et juste une braise de vent. Ils vont se coucher même au soleil levant. On met des TN comme les bobos mais moi ça me représente. J'ai l'adrénaline sur la moto mais je contrôle la descente. Oh maman j't'ai pas menti pendant toutes ces années. J't'ai pas ramené le bac, j't'ai ramené des galères. J'étais dans le fond du bac, j'claquais pas des salaires. Maintenant ils me collent aux pattes, ouais ils me collent aux pattes. Pourquoi tu m'as pas dit de quitter avant la teuf? Quand je suis défoncé, j'écris des lignes dans la pièce. Oh maman, j't'ai pas menti pendant toutes ces années. J't'ai pas ramené le bac, j't'ai ramené des galères. J'étais dans le fond du bac, j'claquais pas des salaires. Maintenant ils me collent aux potes, ouais ils me collent aux potes. J'ai trop de haine, des kilos par centaine, armes américaines. Survivant comme Ken, interdit de se faire péter. Illicite jusqu'à la moitié, y'a pas d'âge pour quitter le pif, faut pas le regretter. Y'a personne pour nous arrêter, fils de pute. Si sur ton toit y'aurait des pipes, beaucoup marcherait sur le que fils de pute. Arrête ta fête ici, tout le monde s'y connaît. On veut de la monnaie, j'suis le gardien de mon frère comme du monnaie. J'bois pas de Jack Honey, mais tu j'suis bagarre. J'suis berbère, barbare, anti-radar, badard. Et ça fait pas, pas, y'a trop gré, pas, pas, pas. J'préfère le brûler qu'on aime. On voulait pas, mais je coulerait pas. J'suis là depuis le départ, toute l'année dans tous les débats. Tu m'entends quand tu fais la tournée des bars, mandat de dépôt. Les gens en cellule te diront nique l'état. Et les gens dans la rue me disent dans le game frérot nique les tous. Là pour moi c'est injuste, j'écris un solo pépèrement. Et quand je te donne des conseils moi tu le sais que c'est sincèrement. Je vais pas te faire un serment, j'ai jamais fait l'instar moi. J'suis dans ma bulle, j'calcule des gains, j'suis con des fois le serment. J'ai des potos au RMI et des potos en R1000. J'suis pas le charbon salaire mini, ils vont me lever le permis. J'suis pas fini, va le dire aux gens qui parlent de mi. Enfin comme 4000, on vit dans un monde où même les frères t'ai pas menti pendant toutes ces années. J't'ai pas ramené le bac, j't'ai ramené des galères. J'étais dans le fond du bac, j'claquais pas des salaires. Maintenant ils me collent aux pattes, ouais ils me collent aux pattes. Oh maman, pourquoi tu m'as pas dit de quitter avant la teuf? Oh maman, et quand je suis défoncé j'écris des lignes dans la pièce. Oh maman j't'ai pas menti pendant toutes ces années. J't'ai pas ramené le bac, j't'ai ramené des galères. J'étais dans le fond du bac, j'claquais pas des salaires. Maintenant ils me collent aux pattes, ouais ils me collent aux pattes. Et vas-y criminette, c'est Marseille criminel. J'ai sur la bavette, Brennec dans la putette. Plate à plomo et pas, arrache une vie sur un go. J'fais ma promo dans un bar, autour d'un bingo. Débrouillard, Totorina dans le brouillard. Croix et grinta, la mentale, la rue plinga, nique l'état. La rue vaincra, Jack da gros pétard. Bleu métal à la rockstar, lunettes noires, noires, noires. On fait la war, war, war, on les allume et on s'en va. Circuler, y'a rien à voir, c'est la peine tous les soirs. Le bitume en Audemars, Macaï, Miami Vice, Macan. Guitare, Elias, Macap, crève en terrasse, ma classe. Rêve d'être en passe. Envoie du lourd, minimum du rhum. Fais pas le sourd, regarde qui rappe, y'a que des hommes. Salam aux frères dans l'ombre qui font bouger les choses et préfèrent rester dans l'ombre. J'allume la lumière, finis ton verre, prends-en un autre. J'suis pas tout seul au fond du barbe, y'a les autres. C'est la merde à qui la faute. Tout le monde rêve de s'évader, à chacun sa dose. Été comme hiver, le cœur est glacé, plus rien à faire. Minimum veut faire billet vert, c'est Jock Smoke du haut de Notre-Dame. Oh maman, j't'ai pas menti pendant toutes ces années. J't'ai pas ramené le bac, j't'ai ramené des galères. J'étais dans le fond du bac, j'claquais pas des salaires. Maintenant ils me collent aux pattes, ouais ils me collent aux pattes. Oh maman, pourquoi tu m'as pas dit de quitter avant la teuf? Oh maman, et quand je suis défoncé, j'écris des lignes dans la pièce. Oh maman, j't'ai pas menti pendant toutes ces années. J't'ai pas ramené le bac, j't'ai ramené des galères. J'étais dans le fond du bac, j'claquais pas des salaires. Maintenant ils me collent aux pattes, ouais ils me collent aux pattes. Les petits kiffent la street, loin de l'usine. Ça se liquide pour qui, ouais j'hallucine. Pour des petits trafics, les petits beats rappliquent. Ça clique, clique, ça plique que dans le crime. Et marre de voir toutes les matchs, les peurs et les morts. Voir les padres se noyer dans les remords. On vit dans des décors trop sales, c'est gore. Gros, tu connais le topo dans ma zone. Je les entends tous crier à l'aide et pour chasser la vie de rêve. Dans ma zone, on est vu comme des Amazones. On y est. Wesh les gars, ça dit quoi en direct de Marseille. J'fais du plata dans le foot dans la zik, everyday on Marcel. J'me suis débrouillé seul, j'volais comme Lupin Arsène. J'évitais de me mélanger car la devise dit qu'on meurt seul. On n'a pas de chance, on essaie de miser bonne carte. Quand j'aurai 3 points, j'investirai dans la pierre. Mais pour l'instant, on reste focus sur des gros sons en bande temps. On fera la fête plus tard quand tout check, j'aurai plus rien à faire et c'est comme ça. J'suis en direct avec le J, ils attendent que ça, ils tendent la joue. Plus qu'à mettre la feuille J, mais sans le peurof. Bah, j'ai ma bouche, j'me serais planqué. Sur écoute pour les vesquis, j'pourrais parler Sri Lankais. Un mot travers, on le tape. Que des bonhommes à ma table, ça parle en millions d'euros. Sinon, ça là, moi j'te connais pas. On lâche pas tant qu'on y est pas. Y'a des gens qu'on connaît pas parce qu'on l'attrape et sa grand-mère, mais fallait juste les qu'on départ. Oh maman, j't'ai pas menti pendant toutes ces années. J't'ai pas ramené le bac, j't'ai ramené des galères. J'étais dans le fond du bac, j'claquais pas des salaires. Maintenant, ils me collent aux pattes. Ouais, ils me collent aux pattes. Oh maman, oh maman, pourquoi tu m'as pas dit de quitter avant la thèse? Quand je suis défoncé, j'écris des lignes dans la pièce. Oh maman, j't'ai pas menti pendant toutes ces années. J't'ai pas ramené le bac, j't'ai ramené des galères. J'étais dans le fond du bac, j'claquais pas des salaires. Maintenant, ils me collent aux pattes. Ouais, ils me collent aux pattes.